Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 et c'est toujours l'émission donc Bulle de rêve, l'émission radio 100% animation. C'était Noir Désir avec une reprise de Jacques Brel, Ces gens-là. Donc Sébastien Dabati, qu'on a entendu tout à l'heure, et qui est historien et animateur, ça suffit ou... Oui, c'est moi qui parle doucement. Trop doucement, mais non, tu parles très bien. Histoire, historien et animateur. Oula, il va répondre aux questions. Oula. Alors, est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce qu'il faut mettre autre chose ou non, c'est bien. Non. Historien, j'ai rien publié, c'est une marotte. D'accord. Plus qu'une profession, hein. Oui, mais une... Je ne sais pas dans la presse. Une marotte dans laquelle tu es très fort. Alors, allez, on attaque directement Youpi, justement, pour montrer aux radios et des mots aux spectateurs, tout simplement, merci. Aux auditeurs, merci Franck, qui est là pour me sauver. Youpi, ça veut dire quoi? Je ne sais plus. United Productions of America. C'est un... C'est un studio qui s'est créé après-guerre, qui a trouvé ses bases un tout petit peu avant-guerre et qui est la résultante de tout un ensemble de choses. Quoi qu'il en soit, avant de m'embrouiller et de vous embrouiller, vous, chers auditeurs, avec des détails historiques, il faut aussi dire tout simplement la conséquence de ce studio, c'est qu'il a purement et simplement fait partie de ceux qui ont contribué à révolutionner l'esthétique du cartoon, et j'insiste sur le thème cartoon parce que ça se rattache au film commercial aux États-Unis. C'est-à-dire que contrairement à une animation indépendante, comme on aura pu la voir apparaître en Europe et aussi outre-Atlantique, aux États-Unis ou ailleurs, l'UPA aura réussi à faire avancer le Schmilblick, mais dans des salles, en première partie de long métrage, réussira en concurrence des films de Disney, de la Metro-Goldwyn-Mayer, de la Warner et consorts, à avoir des Oscars, tout simplement. Et à partir de là, on est très très loin de ce que l'on pourrait appeler un cinéma en marge. Il aura réussi à faire le grand écart, c'est-à-dire à se vendre, à distribuer auprès d'un large public, à être très très agréablement reçu par ce large public, et en même temps, être considéré comme un cinéma d'avant-garde. Donc voilà, et faire office de père fondateur de toute cette esthétique-là. Alors, juste pour que les gens... Imagine ce qu'est un peu UPA, la plus grande création, allez, la plus connue, pas plus grande, de UPA, c'est Mr. Magoo. Oui. Hein, c'est ce personnage myope comme une taupe, qui se balade un peu partout avec sa canne et qui fait pas mal de catastrophes. Oui. Et ça, c'est vraiment c'est le personnage emblématique. Les gens connaissent Mr. Magoo, connaissent pas forcément UPA, mais c'est vraiment le personnage emblématique de ce studio. C'est le personnage emblématique, surtout en Europe. C'est-à-dire que en France, moi tout petit, quand je faisais encore pipi dans mon lit, j'avais l'occasion de voir dans Croque Vacances ou dans d'autres émissions de la télévision hertzienne les aventures de Mr. Magoo. Et je me disais, ouais, c'est pas mal. Et j'avais d'autant plus de raisons de me dire, comme pour Scooby-Doo et tant d'autres choses à cette époque, ouais, c'est pas mal, que c'était surtout les épisodes ou les films de Mr. Magoo de moindre qualité qu'on a eu l'occasion de voir en Europe. C'est-à-dire que toute l'esthétique que l'on pourrait se rattacher à l'UPA et qui a eu l'opportunité de se distribuer en Europe est peut-être le, j'irais pas dire le rebut, mais le moins intéressant. C'est ce qui s'est fait dès le milieu des années 60, voire dans les années 70, par des studios sous-traitants, comme les studios de Patty Freleng, qui nous ont fait aussi La Panthère Rose. Quand on était petit, on voyait des épisodes de Mr. Magoo. Mais en même temps, avec Claude Pierrat, Résideur et Clémentine, on avait le Pink Panther Show, le spectacle de La Panthère Rose, les aventures animées de l'inspecteur Clouseau, Honcho et Pancho, les deux grenouilles à sombrero. Quel retour dans le passé. Wow, séquence nostalgie, qui mollement essuyait des gags de dialogue. Et voilà, et tout ça, c'était plutôt les années 70, c'est la deuxième moitié des années 60. Alors que, aux États-Unis, quand on parle de l'UPA, c'est pour une autre génération déjà, parce que c'est vraiment, on va dire, de la fin des années 40, à la fin des années 50. C'est des choses qui ont reçu des Oscars, c'est des choses qui auront influencé totalement le cartoon commercial, comme il va s'imposer sur le marché à l'époque mourant de l'exploitation en salle, en première partie des longs métrages, et à ses balbutiements à cette époque, l'animation produite exclusivement pour la télévision. Alors on connaît Anna et Barbera avec les pierres à feu. On connaît quelque chose que par exemple je vais citer. Alors ça touche ma génération plus que les suivantes. Jay Ward et Bill Scott pour Georges de la Jungle, La Panthère Rose, etc. Et ça effectivement derrière tous ces films, derrière tous ces noms, il y a l'UPA entre autres. Et d'accord. Ça participe d'une esthétique globale, c'est-à-dire que l'UPA a été un facteur déclenchant parmi tant d'autres. Alors revenons au début. Avant 46, l'UPA, je l'ai lu sur le site, s'appelait Industrial Film and Poster Service. Et ensuite Industrial Film and Unité de Film Production. Et en fait, il est distribué à l'époque par la Columbia Pictures et commence en 43. C'est ça, avec un film qui s'appelle Sparks and Chips, Get the Blitz. Oui, tout à fait. C'est un film fort intéressant sur l'utilisation par certains techniciens de l'industrie navale, si je ne m'abuse, de postes à souder. Voilà, c'est... Alors, effectivement, les fondateurs de l'UPA, ou à l'époque IFPS, Industrial Film and Poster Service, ont commencé à gagner leur croûte avec des films didactiques, des films pédagogiques, des films à caractère politique, des films commandés par des syndicats, par des institutions diverses et variées, voire même un film qui aura été le premier véritablement à les mettre au devant de la scène, parce que ça aura été un relatif succès populaire, un film de propagande pour les élections de 44 de Franklin Delano Roosevelt. Voilà, un film éminemment politique, puisqu'en ce cas-là, qui s'appelle Hellbent for Action, qui se traduirait en français par Contre vents et marées pour les élections. C'est un film qui a été réalisé par quelqu'un qui aura essuyé les plâtres avec les gens de l'UPA, Chuck Jones, qui n'aura que très très peu travaillé avec l'UPA, du moins pas directement, par la suite, jusqu'à ce qu'au moment où ce studio commence, on va dire, à dégénérer dans ses réussites commerciales et dans sa politique globale et dans sa considération, que lui finira par, on va dire, rattraper un tout petit peu la sauce et faire en sorte que le bateau ne coule pas trop vite, avec un des derniers longs métrages d'exploitation par le studio. Donc ça, c'est à la toute fin, on va dire, de l'âge d'or UPesque. 62, c'est ça, avec Gay Perry. Gay Perry. Voilà. Gay Perry, le Gay Paris, qui est un film donc scénarisé et supervisé artistiquement par Chuck Jones et réalisé par un des membres de l'UPA et qui par la suite travaillera aussi donc avec Jay Ward, le papa de Georges de la Jungle et de tant d'autres choses. Le studio, donc le réalisateur s'appelle Abe Levitoff. Voilà. Alors justement, pour voir un petit peu qui sont, d'ailleurs on vient d'entendre parler de Chuck Jones, donc l'un des rois du cartoon américain avec Tex Avery, hein, c'est l'un des papas de beaucoup de personnages que Chuck tout le monde Jones, adore. C'est Bip Bip et le Coyote, voilà. Pour aider nos auditeurs à, hein, c'est un petit à situer peu... tout ça, voilà, et puis ça. Certains, une grande partie des films de Bugs Bunny, et puis Pépé le Putois aussi, parce que mine de rien... Pépé le Putois, on le connaît en France. Voilà, et il faisait partie de Termite Terrasse, si voilà. Je dis pas de bêtises, avec Tex Avery, etc. Enfin, la grande époque du cartoon américain tel qu'on l'aime. Voilà. Les films de la Warner. Les 50, voilà, la Warner. Alors, qui était, parce que Chuck Jones, ok, il y a trois personnes, c'est ça, qu'on crée UPA, qui partent de Disney, suite à la grève, c'est ça, et qui se décident, qui disent, allez, il y en a marre, faut qu'on fasse autre chose. Je vais pas embrouiller nos auditeurs avec toute une série de détails historiques, parce qu'à cette époque, les choses sont très complexes. Mais ce qui est clair, c'est qu'elles sont énormément liées à des choses de l'ordre de la polémique. Polémique d'ordre politique et polémique d'ordre esthétique. C'est-à-dire que après la production chez Disney de ce film assez connu qui s'appelle Blanche-Neige et les Sept Nains, j'ai failli avoir un énorme trou de mémoire. Impardonnable. Blanche-Neige, 37. À l'époque, Disney avait tenu les employés à la gorge et les tenus comme ça le temps jusqu'à la fin de la production, qui n'en finissait plus de se peaufiner dans un enfer de perfectionnisme et de problématiques techniques. Quoi qu'il en soit, Disney avait promis de re-répartir les dividendes des bénéfices. Donc de Blanche-Neige et les Sept Nains. De Blanche-Neige et les Sept Nains. Disney était communiste. Non. Non, justement. Mais voilà, mais j'essaie d'introduire ça simplement, mais c'est pas évident. Et donc quoi qu'il en soit, il y a ça, quelque chose qui ne se fera pas du tout, puisque Disney lui réimpliquera. Voilà, c'est pour ça. Réinvestira tout son bénéfice, et ce film a fait l'équivalent grosso modo de 4 fois le bénéfice d'un énorme blockbuster de l'époque aux États-Unis. Disney ne reversera absolument pas ça à ses employés, il investira tout ça dans la refondation, la restructuration de son futur gros studio à Burbank. Les salaires n'augmenteront pas du tout. Dans cette période, on va dire, de pré-McCarthyisme et de guerre contre les studios à peine naissants, il aura même plutôt tendance à prendre ses employés à la gorge et déjà à faire ce qu'on appellerait des plans sociaux, à licencier les petites mains, tout comme à licencier des stars. Quelqu'un qui est assez connu dans le monde des étudiants d'animation, Preston Blair par exemple, qui est très connu pour faire un bouquin pédagogique que beaucoup d'étudiants ont sous le coude en permanence. Plus que les étudiants, je te coupe, mais même Bill Plimpton, que j'avais interviewé, donc qui est l'une des stars, la seule star de l'animation aujourd'hui américaine, qu'on voit partout dans les fonds, dans les festivals. J'ai pas fini ma phrase. Parce qu'il est très grand. Non, mais c'est juste pour préciser, Preston Blair disait qu'il avait en fait appris l'animation uniquement en lisant le livre. J'ai pas fini ma phrase. Donc maintenant, je laisse Sébastien finir sa phrase. Oui, parce que j'ai tendance à faire des phrases un peu longues. Donc oui, même ce fameux Preston Blair, parmi tant d'autres, s'apprêtait à cette époque à tout simplement se faire virer. Toujours pour ces raisons d'économie, de rétrécissement du budget, d'optimisation du studio. Disney, dans cette période où d'un côté les syndicats essayent tant bien que mal de se consolider, notamment dans le département de l'animation, dans le domaine de l'animation, et que de l'autre part, les studios eux-mêmes essayent de sauver leurs plumes en regard de cela, Disney fait vraiment figure d'entité diabolique. On a tendance à simplifier les choses, mais quoi qu'il en soit, il est vrai que ce studio aura été emblématique de cette chose-là, c'est-à-dire le premier à contribuer à constituer des listes dans le cadre des luttes macartistes, de la chasse aux sorcières, la délation, les listings comme ils auront pu être faits à l'époque par la HUAC, cette espèce d'institution qui poussait certaines sociétés, certains groupes, et notamment dans le domaine du cinéma, à blacklister certains employés considérés comme étant des rouges, tout simplement. Disney aura fait partie de ces gens à se faire le plaisir de constituer des listes. Disney aura été le premier aussi à faire ces plans sociaux-là, et surtout, lorsqu'adviendra la fameuse grève en 1941, à littéralement licencier le plus rapidement possible les figures de proue, les principaux activistes de cette grève. Voilà, donc il y a ça d'un côté, il y a un contexte politique où la grève de 41 sera un facteur déclenchant. Il y aura l'implication de certains employés, aussi bien chez Disney que dans d'autres studios, dans les syndicats à cette époque. Disney en fait partie, la Screen Gems Studio connectée à Columbia en fera partie aussi, avec une figure de cette époque qui s'appelle Frank Tashlin, qui auparavant travaillait à la Warner, etc., etc. Il y aura aussi un élément esthétique qui fait que déjà à cette époque, chez Disney et chez d'autres, et notamment la Warner avec Chuck Jones, beaucoup en ont très clairement ras le bol de l'esthétique comme elle s'est imposée dès que Disney aura eu pignon sur rue et aura véritablement mangé la couenne de toute sa concurrence, c'est-à-dire, grosso modo, pour simplifier énormément, des Steamboat Willie. C'est-à-dire qu'à partir de là, à partir de cet énorme succès au début du sonore, Disney va peu à peu manger des parts de marché et faire mourir la concurrence, jusqu'aux frères Fleischer, qui eux-mêmes auront eu toutes les peines du monde à se relever de leur grève dans la deuxième moitié des années 30, etc., etc. Et résultat des courses, cette esthétique qui s'est imposée, cette esthétique que l'on pourrait appeler littérale, quasi photoréaliste, qui est considéré à cette époque par ces quelques trublions de l'animation qui commencent à apparaître chez Disney et ailleurs, cette esthétique, on n'en veut plus. Et donc des articles sont écrits dans la presse, des conférences, des séminaires de réflexion et de promotion de ce ras-le-bol apparaissent, et de fil en aiguille, comme ça, cette espèce de gros chaudron bouillonne, s'amalgame autour de ça des querelles de chapelle, les syndicats qui ont bien du grain à moudre et qui font des pressions diverses et variées sur les studios, et donc de fil en aiguille, tout ça, ça pète. Et notamment, et surtout, chez Disney. L'un des premier à en souffrir, avant même que la grève n'éclate en 41, c'est Art Babbitt. Art Babbitt, il fait partie de ses pères fondateurs, on va pas dire pères fondateurs du studio, mais un de ses, on va dire, éléments sur lesquels s'appuyait énormément Disney au sein du studio. Lui-même, Walt, vit les premiers ferments d'insurrection et les premières gueulantes de Babbitt, qui visait à cette époque, avec Tashlin, à faire qu'une grève se mette en place. Et ben Disney prend ça comme une tradition, comme une trahison, et il le vire. Et à partir de là, c'est la panique. Les pancartes se fabriquent à la va-vite. Les gens se plantent devant le studio à Burbank, et Disney se sent littéralement trahi. Et c'est le début d'une série de bouillonnements divers et variés. Ça se tassera. À partir de là, Disney attendra effectivement que ça se tasse au maximum pour licencier discrètement certains trublions. D'autres, lassés par tout cela et travaillant dans ce qu'ils considéraient comme étant une ambiance pourrie, n'attendront même pas cela puisqu'ils poseront leur démission. Et à partir de là, grosso modo, tous les principaux instigateurs et qui étaient sur les premiers rangs de cette grève de 41 seront amenés à partir dans des petits studios, des petites structures indépendantes plus légères, ou partir chez Warner, ou plus simplement, et là Tashlin aura énormément d'intérêt à cela, aller s'installer directement à la Screen Gems, le studio de la Columbia. Et à partir de là, va se consolider un petit noyau dur qui, déjà à cette époque, est expérimental et se permettra, parce que Tashlin a tendance, contrairement au grand chef de studio de cette époque, à pas mal lâcher la bride par rapport à la direction technique et artistique, à expérimenter. Par-dessus cela, et c'est pour ça que la gestation de ce studio est très complexe, se greffera un truc tout aussi politique et compliqué à gérer, c'est la guerre. C'est-à-dire que très très vite, dès 41-42, des studios vont être réquisitionnés et des animateurs, des réalisateurs, des responsables techniques, des coordinateurs techniques vont être enrôlés directement dans l'armée, non pas pour faire les bidasses, même si Art Babbitt, d'ailleurs, pour l'anecdote, lui partira directement en tant que sergent à la marine, mais tout simplement pour travailler, sous la coupe de Frank Capra et tant d'autres, à la constitution de films d'instruction et de propagande pour l'État et pour l'armée. Alors ça donnera des choses très très intéressantes, et quoi qu'il en soit, ça donnera aussi et surtout un havre de créativité et d'expérimentation pour ces quelques rescapés de Disney et d'autres studios. C'est une espèce de melting pot de plein de gens. Il n'y a pas que les rescapés de Disney qui sont là. Il y a des gens de la Warner, il y a des gens de la Metro-Goldwyn-Mayer qui travaillent ensemble. Tout le monde met la main à la pâte dans des structures avec une économie de moyens et des échéances assez catastrophiques. Il faut faire du volume. Il faut faire du volume didactique, efficace, instructif. Avec des budgets extrêmement limités, et quoi qu'il en soit, à partir de là, des concessions techniques s'imposent d'une part, les officiers, pour eux, ce qui importe, c'est la communication d'un message, et à partir de là, effectivement, tous ces gens-là, notamment Zachary Schwartz, Dave Hilberman et tant d'autres, vont se permettre d'expérimenter comme des fous, et s'amuser à faire ce que l'on appellera par la suite de l'animation limitée, de l'animation ultra stylisée. Et ça vient pas de nulle part, ça vient de tout un terreau esthétique, à la fois de peinture moderne et aussi d'illustration, comme on en voyait émerger dès le début des années 30 dans le New Yorker et tant Esquire et tant d'autres magazines à la mode, on va dire. Et tout ça, ça va se réinjecter à cette époque, un peu plus tard, presque 12-15 ans plus tard, dans des films didactiques, d'instruction ou de propagande pour l'armée. Et est-ce que ça vient pas un peu aussi d'un certain style d'animation qui vient d'Europe? Pas encore. Pas encore. Il y a très très peu de choses que l'on voit venir d'Europe aux États-Unis à cette époque. Je pense que tu veux parler de Zagreb. Oui, oui, notamment, bien c'est sûr. C'est l'inverse, en fait. C'est ça, hein, c'est l'inverse. On posera après la question, parce que c'est assez intéressant. Alors, donc, je vais essayer de simplifier. On a tous stéro, et donc finalement, il y a trois personnes à un moment donné qui se disent, qui sortent de stéro, en gros, et qui disent, allez, il y en a marre, c'est vachement bien tout ce qui se fait de nouveau, ils sont là-dedans, et puis ils se disent quand même, ils sortent pour créer leur propre studio. La structure. Au départ, c'est simple. Zachary Schwartz et David Berman, que j'ai cité il y a deux secondes, se disent, tiens, on va louer une espèce de petit appartement pour peindre à nos heures creuses. Et ça nous fera une petite respiration en dehors de toute la production qu'on peut faire. Et d'un côté pour l'armée et les quelques freelances dont on peut se payer le luxe en parallèle de l'armée. Parce que ces gens pouvaient un tout petit peu travailler à côté de ça. Ce studio sera très très vite, en 44, annexé à l'initiative de Schwartz, d'Hilberman, de Chuck Jones et de tant d'autres pour réaliser, dans leurs heures creuses, avec tant et tant d'autres personnes qui feront des extras et du bénévolat, pour réaliser ce fameux film dont je parlais, Hellbound for Action. C'est-à-dire qu'ils faisaient leur journée dans leur studio ou à l'armée, et passé 18h, 19h, ils couraient tous dans cette espèce de petit trois pièces qui très très vite, qui au départ était destiné pour deux personnes, et qui très très vite allait être submergé par une soixantaine de fous furieux qui travaillaient le soir et la nuit sur ce film de propagande politique. Donc annexé, et va devenir une espèce comme ça de truc bouillant où pendant 6 mois ils vont travailler comme des fous pour produire ce film qui effectivement fera la promotion de la personne de Franklin Delano Roosevelt. Alors on va voir ensuite, on va rentrer un peu plus dans UPI et surtout dans l'actualité, parce qu'en fait Sébastien aussi est là, parce que tout simplement il y a un documentaire qui est en préparation et on aimerait beaucoup en parler. On va juste écouter, pour se faire plaisir un petit peu, un son de UPI que tu nous as ramené. Oui, alors je vais essayer de le situer un tout petit peu. Là, on fait un grand saut dans le temps, puisqu'on va arriver en 1956, dans, on va dire, le dernier sursaut expérimental et créatif véritable de l'UPA, qui sera la première commande pour la télévision, pour le réseau national CBS d'une série télé qui s'appellera le Gerald Mac Boing Boing TV Show. Et là, effectivement, un petit film de l'époque, un petit film de cow-boy s'appelle Les Outlaws, et vous allez maintenant entendre 4 petites minutes de ce film qui mélange allègrement des dialogues débiles et de la musique texane. Et Nicolas va nous mettre ça. Merci. Down around the Rio Grande one time, there were these three desperate and notorious outlaws. Number one was Handygun Pete, so called because he was mighty quick on the draw. Mighty quick on the draw! And number two was Lariat Lou, mighty proficient, very handy with a rope. Thank you. And last and least was little old jittery Deerfoot Dan, what do you do, Dan? Who, me? Why, I can run like an antelope. Oh, yippee-yippee-yippee-yay, there never was three cowhands could draw a gun and use a rope or run like Deerfoot Dan. Every now and then, these three fellas decide to hold up the railroad train. Handygun Pete would fire off a few shots, and the engineer reached for the throttle and a brake, and Lariat Lou threw a triple noose around the guard and a caboose. And Deerfoot Dan, he made off with the loot. It's sundown now, and at the rendezvous, it's time to divvy up. Pete got his'n, and Lou got his'n, and Dan, he got his. But Deerfoot Dan, he never griped, no matter how he would hope, 'cause Pete was handy with a gun, and Lou was mean with a rope. Oh, yippee-yippee-yippee-yay, there never were three cowhands could draw a gun and use a rope or run like Deerfoot Dan. reward was posted on every tree throughout the western land. $5,000 for Lou and Pete, and one for dear Dan. Now this got poor old Dan so mad, he said, I'll show them snakes. Why, there ain't enough money on my head for all the work it takes. And when they next held up the train, the posse got there too. Shot their horses while they ran, so on their feet they flew. Handy Gun Pete and Lariat Lou were killed by gun and rope. But Jittery Dan is running still just like an antelope. Oh, yippee-yippee-yippee-yi-yay, there never was three cowhands could draw a gun and use a rope or run like Fearful Dan. Handy Gun Pete and Lariat Lou were buried right on the slope. One has got a hold of his gun, the other has got his rope. Rewards run high for Jittery Dan, but everyone's lost hope, 'cause they all know it ain't no use to chase an antelope. Oh, yippee-yippee-yippee-yi-yi, 10,000 to the man who thinks that he can run as fast as Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery, Jittery